Yo. Salut. Hello. Comment va? Je sais pas. Toujours bien. Il fait beau, non? Vous trouvez pas? Navré, bien sûr, Si évident. Mille grands Pardon pardons de de vous vous devancer. devancer, pressé ne Mais se c'est passe. pas Fin de la journée. Très compliqué. Eh oui, je suis en Suis-je navré, vraiment. navré, vraiment. Joindre si tard les gens, Joindre si Normalement, tard c'est les gens, non. c'est normalement, Mais c'est pourtant, non. s'il vous plaît, Et je vous en pourtant, s'il prie, vous plaît, je vous écoutez. en prie. Vous en prie, Juste, écoutez, écoutez juste pour écoutez cette juste pour fois. cette Encore fois. un instant Encore un ici. instant ici, si Si cela vous cela est vous est permis. permis, quelque Quelque chose chose à à demander demander sans sans nourrir nourrir ce ses déplaisir si fort si de vous vous avez vous moi semblez très ennuyé. ennuyé. Oui, Oui, me me promis, dépêche, je promis. promis. Permettez de vous Permettez demander. de vous Permettez demander. de Dites-moi si demander. oui, bien Bien sûr, sûr, je vous je en vous prie. en Vous savez prie. que je Vous suis savez un que cœur je brisé. suis aucun cas Vous êtes de jugé. Excusez-moi Excusez-moi de mon aparté. Je ne veux pas de mon retrouver aparté. Votre Je précieux votre temps. précieux temps. Je suis si navré, pardonnez. pardonnez. Un désolé brusque qui perd aussi étrange et personnel son entité de majesté. De foi, de douleur et de sens, ravivé par les dents tordues du bonhomme bizarre et laid. Trop ventru, bien dodu, si gros de la belle horreur de nos mots. Comme bonjour est le temps décédé dans l'alphabet de l'ignare impropre au vrai et fidèles ornements. Malade de dire le bon, le mauvais et le sérieux. Vide facétieux en toi, orgie. Blanc, lexical, sous la langue et sommeil, tendant bien vers l'affreux phrasé lointain poli. Serpent par sifflement de ses lèvres croisées. La chose crie, mord et la hurle et choix souris carnassier. Lune retournée, au fond de ses yeux, lancée, navrée. Va doucement, coule-le-moi vite vers toi. Semblant faux, autre moi, disant là toujours salut. Yo. Yo.